qu'aujourd'hui je m'éloigne un peu du cinéma puisque je vais vous parler d'une série télé. Enfin, je m'éloigne pas tant que ça puisque le showrunner et réalisateur, les réalisateurs même de cette série sont des noms bien connus du cinéma français puisqu'il s'agit de Florence Siri, à qui l'on doit entre autres le viscéral Ennemi intime et l'excellent biopic Clo-Clo. Et Thomas Gilou, à qui l'on doit pas grand-chose, à part peut-être La vérité si je mens. Mais donc Marseille est la première production française de Netflix. Et en plus d'y retrouver des créateurs issus du cinéma, on constate des noms un peu connus comme Gérard Depardieu, Benoît Magimel, mais aussi le trop rare Hippolyte Girardot. Netflix a donc placé la barre haute, la barre très haute même, avec cette commande douteuse. Alors douteuse pourquoi ? Parce que c'est un ramassis de clichés, à la fois sur Marseille, mais aussi sur les Français, la jeunesse, l'amour, le pouvoir, et surtout sur les femmes. Tous ces petits thèmes traités avec dédain sont enrobés par une intrigue salement ressemblante à du Dallas, à la sauce bouillabaisse. Oh, Marseille. Au lieu d'un thriller politique envoûtant traitant des conséquences néfastes des sondages ou de l'huile jetée sur le feu par le quatrième pouvoir, on est face à une telenovela qui se balade entre le too much et le pas assez, sans vraiment prendre ses marques ou trouver son style. Pas d'action, ou peu, mais beaucoup de dialogues contenant des bouts de phrases qui veulent tellement devenir cultes qu'on dirait du bec BD. Par exemple, une de mes préférées, je cite... On dit que les pendus jouissent avant de crever. Vous jouissez, vous, quand vous portez une cravate ? Ou encore, le vrai pouvoir, il se donne pas, il se prend. Voilà. Sinon, on a aussi les phrases, on a aussi du culte, mais sans les deux dernières lettres, comme j'aime tes doigts, la prochaine fois, tu devrais essayer dans des gants de cuir. Oh, ou encore, à part ma queue, tu veux quoi ? Donc, vous l'aurez compris, hein, si vous êtes amateur de poésie, cette série n'est pas faite pour vous. En plus d'être écrit comme un épisode de Plus belle la vie déguisé en House of Cards, c'est archi sexiste et misogyne. Un peu comme la chronique de Thibaut finalement. Il n'y a pas une femme de la série qui se fait pas prendre par derrière entre deux meetings, soit par intérêt, soit juste pour enfin se sentir exister. Bon bah désolé les meufs, mais vous n'existez toujours pas auprès des scénaristes et des réalisateurs de Marseille. Et absolument tous les personnages féminins principaux sont traités comme ça. C'est pas une série sur le sexe, ni sur la débauche, c'est une série sur la politique. Mais pourtant, les cinq personnages féminins dégrafent leur soutien-gorge aussi vite que leur ombre. Bon, pour justifier un peu ça, on va y voir une frustration de la part de Netflix à ne pas pouvoir faire ce genre de choses aux États-Unis. Alors ils se vengent à coups de clichés ahurissants. Bah oui, c'est bien connu, la France, pays du libertinage. La mise en scène maintenant. Alors la mise en scène est pauvre et basique. Donc ça pourrait être normal hein, pour une série française, ça pourrait même être d'un niveau tout à fait acceptable, mais pas pour Florence Siri, c'est inconcevable. Les 4 premiers épisodes qui ont été réalisés par lui sont à la hauteur d'un soap-opéra bas de gamme, et les 4 suivants réalisés par Thomas Gilou ne proposent rien. Ces deux réalisateurs ont tout simplement abandonné de mettre en scène cette série après autant de contraintes et de refus artistiques de la part du producteur. Parce qu'il faut le dire, c'est vraiment de la part du producteur qu'ils leur ont en fait tout refusé, ils n'ont eu aucune marge de manœuvre. La conclusion de la série, à la fois ouverte pour permettre à Netflix de nous pondre une saison 2 et à la fois fermée puisqu'elle scelle le scrutin, est complètement vide de tout dénouement. La vraie question, c'est qui des deux gagnera cette bataille qui, au final, n'est jamais livrée. Durant 8 épisodes, on nous promet un face-à-face sanglant de deux guerriers prêts à tout pour l'amour de leur vie, la belle Marseille. Et c'est sans y croire qu'on assiste à la fin à un non-débat. Une non-confrontation, un non-dénouement, donc. On se laisse envahir par le générique de fin avec une seule pensée. Tout ça? Pour ça? Seul point positif. Magimel et Depardieu se donnent à fond et s'en sortent avec les honneurs dans un océan de démesure, d'incohérence et de vide. Et je suis gentille. Si je donne 2 étoiles à cette série, c'est 1 à chacun. Donc, Marseille est à peine sortie et elle est déjà enterrée. Il s'agit de 7 heures de dialogue creux, de batailles par texto interposées, de coucheries futiles, d'assassinats gratos à l'appel et de crédibilité zéro. Alors oui, les belles phrases toutes faites, les conflits politiques, la guerre entre les clans et deux monuments comme Depardieu et Magimel, ça donne le vertige. Mais ce n'est qu'un écran de fumée, car n'oublions pas que ce qui donne le vertige, c'est le vide. Oh, pas mal. Voilà la punchline.